Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Psychiatrie, la folie ordinaire, une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a ce qui est devenu le parent plus que pauvre de la médecine et ces confinements qui ont tapé durement sur nos esprits et peut-être encore plus durement sur ceux et celles qui sont en prison. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui s'explique, un médecin qui veut soigner, un homme qui veut ses affaires, une infirmière qui raconte, un psychiatre qui voudrait autre chose, un homme qui se débat et un autre qui est épuisé. Ensuite, le décor. Des portes, des clés, des murs, des lits fixés au sol, des contentions, un Coran, des cigarettes, des mots qui se bousculent, des médicaments, la maladie, la justice et des cellules. Aujourd'hui, 4e épisode, on se pose et on écoute. Je suis une sirène. Je vous suis finie comme une sirène. C'est ça. Ici, ça fait 15 jours que je suis ici. Ça fait dans le présent, ça fait 6 mois. Je tape mon mari avec le bateau. Chez nous, le Maroc, je ne change pas les couches. Du coup, les femmes, ils changent les couches. C'est ça, moi, je pense beaucoup de choses. Mon mari, tu fais mal pour ma fille. Moi, mon mari, il n'y a pas de problème. Pardon. Mon mari et moi, encore ensemble. C'est fini le problème. Encore nous, ensemble. Moi, je t'aime mon mari. Mon mari, je t'aime moi. Je sais provenir, je sais c'est comme invité, je sais comme une sirène, je sais comme une... C'est comme ça, c'est... Je comprends. Je comprends. J'aime trop ça. J'aime trop ça. Vous faites des coloriages ? Oui, tout coloriage. Et voilà. Vous aimez les couleurs ? Rose, c'est le rose qui décide. C'est le rose qui décide. Tout en prison sur ordonnance. Hospitalière spécialement aménagée, UHSA. Sa mission, accueillir les détenus d'Île-de-France atteints de troubles psychiatriques graves et nécessitant des soins 24 heures sur 24. Le principe, désengorger les prisons mais aussi compléter l'offre de soins accordée aux détenus. Se présentant comme un hôpital, dont l'enceinte est entièrement sécurisée, une soixantaine de détenus, hommes et femmes condamnés ou prévenus, sont répartis sur 3 secteurs. Pour y accéder, il faut franchir la grille de l'hôpital Paul Guiraud, puis longer les bâtiments de l'ancien asile de Villejuif et tourner à gauche. Au fond de l'allée, derrière une autre grille, c'est ici. David Twitou, psychiatre. I understand that you want to go back to jail, but I explained to you yesterday that you are here against your will, that you decide you have to work together in order to come to understand your mental health, etc. And perhaps you will go back to jail, okay? Okay? You can put your socks, your shoes, and we go outside in the main room. It's cold out. It's very cold outside. Okay. No problem. I'm friendly. We are sure this. I love people. I don't want to hurt people. Very, very good. You know what? I let you with Sherazade to go in the room because I have to see the other patients. Okay? C'est peut-être pour ça que le docteur Raymond vous a demandé que vous soyez hospitalisé, ouais, hein? Ouais, je pense. Ouais. D'accord. Elle a demandé l'autorisation au préfet de vous hospitaliser. Ça veut dire que cette hospitalisation, ouais, elle est obligatoire. Oui, elle est obligatoire pour nous, mais elle est obligatoire aussi pour vous. Ouais. Mais c'est pas parce qu'elle est obligatoire qu'on va pas travailler ensemble. Ouais. Pour essayer de trouver d'où elles viennent ces voix et comment les arrêter, peut-être pour vous soulager un peu. Ouais. Hein? Depuis que vous êtes arrivé, est-ce qu'elles vous ont encore embêté un petit peu les voix? Non, j'ai entendu que quelqu'un qui crie ce matin, c'est tout. Oui, alors ça, c'est peut-être en effet quelque chose de réel, parce qu'il y a d'autres patients, en effet, qui peuvent crier. Donc peut-être que ce n'est pas simplement les voix dans la tête, ouais. C'est peut-être un vrai patient. Oui, donc moi, ça. Vous fumez? Oui, je peux. D'accord. On va essayer de faire notre possible pour que vous puissiez fumer un petit peu. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent ici, là? Non, c'est... À l'hôpital. C'est l'isolement, c'est tout. C'est l'isolement. Je sais que c'est embêtant, l'isolement. Je sais que c'est embêtant. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous donne un livre ou une BD ou quelque chose à lire? Non. Vous savez lire? Je savais lire, oui. Vous voulez pas une BD ou quelque chose pour passer le temps? Non. Bon. Si vous changez d'avis dans la journée, vous le dites aux infirmiers, on vous donnera quelque chose. D'accord. D'accord? Est-ce que vous souhaitez qu'on prévienne quelqu'un que vous êtes ici à l'hôpital, de la famille ou quelqu'un? J'ai rien. Vous avez rien. D'accord. On va vous laisser alors, vous reposer? Oui, si je peux vous faire bien. Oui, vous inquiétez pas. On va essayer de trouver un moment. Ouais. Ok. On va vous trouver un moment. Ouais. À plus tard. À plus tard. À plus tard. À plus tard, monsieur. Des vacations, elle était deux. Mais je suis pas la seule, c'est la patiente préférée. Mais il est à la 2. Alors, ça il a été vu avec Sarah, du coup, hier. Quand t'es pas là, bah, oui. Non, monsieur, on fait sortir. Oui. Oui. Oui, hein. C'est lui. Oui. Je vous asseoir, comme ça je vous explique. Bonjour. Je vous laisse vous asseoir, comme ça je vous explique qui sont ces personnes. Coupez le son, en deux minutes. Vous voulez vous asseoir? Ouais, là, je suis stressé, il faut que je monte. D'accord. Joue la porte, la porte. Super. Il y a 9 UHSA en France. Donc, on s'occupe, nous, ici, à l'UHSA de Villejuif, de l'ensemble des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la région Île-de-France, des ISP de Paris. Ce qui correspond à peu près à 14 000 détenus en moyenne dans les situations habituelles, qui fait que les 60 places de l'UHSA de Paris, de Villejuif, ne permettent pas de répondre à l'ensemble des besoins de cette population incarcérée en Île-de-France. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu vraiment une caractérisation claire des soins psychiatriques pour les personnes détenues, avec trois niveaux sanitaires, les unités sanitaires de niveau 1 qui sont les consultations ambulatoires qui ont lieu dans tous les lieux de détention, c'est-à-dire des consultations comme on pourrait avoir dans des centres médico-psychologiques à l'extérieur. Quand cette prise en charge est dépassée et que les patients ne peuvent pas être stabilisés du fait de leurs symptômes, de leur fragilité, etc., la possibilité de recourir à des unités sanitaires de niveau 2 qui sont des hôpitaux de jour à l'intérieur des lieux de détention, c'est-à-dire des petits lieux à l'écart le plus souvent de la détention classique pour les personnes les plus fragiles, sur indication médicale où on peut apporter des soins de jour, en hôpital de jour. Quand ces soins sont également dépassés, eh ben c'est l'incompatibilité à la détention et donc l'extraction vers des lieux d'hospitalisation, l'UHSA de façon préférentielle, et quand les UHSA sont débordés du fait des listes d'attente qui existent un peu partout dans les UHSA dans toute la France, l'utilisation également des hôpitaux psychiatriques à côté des établissements pénitentiaires pour répondre à ce besoin d'extraction de la personne du fait de son état psychique. Notre volonté, c'était de pouvoir organiser les soins ici à l'UHSA de Villejuif en fonction de la clinique. C'est-à-dire d'avoir trois unités, nous avons trois unités de 20 lits, et ces trois unités, c'est la clinique du patient qui dicte leur présence soit à l'unité 1, qui est plutôt une unité de crise, soit à l'unité 2, qui est plutôt une unité de psychiatrie générale, soit à l'unité 3, qui est plutôt une unité de réhabilitation pour les personnes qui sont les plus handicapées par leur maladie. Et ces trois unités prennent des patients, que ce soit des hommes, des femmes ou des mineurs. Leur présence à l'UHSA, elle est dictée simplement par leur état de santé mentale, et c'est ça qui nous préoccupe, à savoir résoudre les problématiques en lien avec leur état de santé mentale et essayer de prévenir les conséquences dommageables que pourrait avoir le retour en détention à l'issue de l'hospitalisation. Aucune corée, je veux juste mon courant, c'est pour être à l'aise. Je ne suis pas fou, monsieur. Je vous en prie, je suis quelqu'un d'intelligent, et plus le courant n'est pas avec moi, plus je ne vais pas à l'aise. Plus vous me disiez des belles paroles intelligentes, plus vous allez comprendre. Mais vous allez faire le tour pour me faire comprendre une seule chose, ça ne sert à rien de me parler. Votre Coran, il est où? Et je l'avais laissé sur la table parce que j'étais en train de lire et on dit... À Villepinte? Ouais. Comment vous voulez qu'on vous le donne s'il est à Villepinte? Il faut qu'on aille le chercher. C'est ça? Ouais. Donc il faut nous laisser un petit peu le temps, on ne peut pas vous... Non, moi je suis pas du tout pressant, mais je pense que c'est vous les pressants. Alors, vous allez pouvoir récupérer dans votre placard vos affaires pour vous habiller, d'accord? Exactement. Vous venez? Il n'y a pas de souci. Regardez-moi les médicaments, j'arrive pas à monter là devant. Mais vous, comment ça, vous êtes debout là? Non, j'arrive pas à ça. C'est le début des médicaments. C'est le début, la douche. Le Coran? Quel livre? Le Coran. Vous faire gonfler les poumons. Ne respirez plus, monsieur. Docteur Urrea, médecin généraliste. Videz vos poumons. Allez-y. L'ange fait résonner la trompe de grand cœur. Il faut nous présenter sans le moindre retard. Tu me prêchais sans cesse de ne pas avoir peur. Pour mon mal, je te crus quand je fis le péché. C'est donc toi, ô courtoise âme reconnaissante. Quand tu t'en fus aller, je revins au néant. 12-7. C'est bon. Là, l'extraction de lundi, elle est à quelle heure? Je ne sais pas. Et après le jugement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Je ne sais pas à quelle heure je serai. Je ne sais pas du tout à quelle heure je pars. Après, je vais renseigner là-dessus. Je ne sais pas du tout. Ben, il est venu au service libre ou en SDRE? La même question, je ne sais pas, c'est pour... C'est pour un problème à cause d'un fil. Ouais, parce qu'il est... Il vient pour que les psychiatres introduisent prudemment et lentement un neuroleptique de référence qui est le plus puissant des neuroleptiques. Mais... Il a une chimio-résistance en fait au traitement. Du coup, Mais sur un délire de persécution, un délire paranoïaque, celui-là, il n'a pas l'air désorganisé. Bon, c'est très compliqué parce que déjà, c'est la médecine polyvalente. Une majorité d'hommes, jeunes. Les femmes qu'on a, c'est souvent des homicides. Ça peut être des homicides de leur mari ou de leur enfant, mais ce sont plutôt des dames en bonne santé. Pour les garçons, les hommes, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une forte population de migrants, donc on trouve tout un tas de pathologies qui peuvent être liées au mésusage de médicaments, de drogues. Et donc la pathologie principale, c'est la maladie psychiatrique. C'est donc souvent la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une maladie de toute une vie, avec des difficultés pour ceux qui sont désinsérés. C'est une maladie difficile à vivre pour tout le monde, mais pour un détenu, c'est épouvantable. Il y a aussi parfois des patients qui ne sont pas forcément schizophrènes, qui sont beaucoup plus psychopathes. Ils peuvent être revendicants, ils peuvent être un petit peu sensitifs à l'institution pénitentiaire, mais ce n'est pas des gens délirants. Mais entre les deux, il y a beaucoup aussi de borderline. Ce sont des patients qui font beaucoup parler d'eux, ici même, c'est-à-dire qu'ils sont souvent très agités, ne respectent pas forcément les règles, qui ne sont pas difficiles à respecter, peuvent être violents à différents moments, alors que ce n'est pas lié à la maladie délirante. Et donc, une grosse part de mon activité, malheureusement, c'est la iatrogénie. La iatrogénie, ça veut dire les effets indésirables de la prise en charge. Au rez-de-chaussée à l'U1, il y a des patients qui sont souvent en isolement, qui peuvent être en contention, même si c'est très réglementé maintenant. Donc il faut être certain que ces patients ne fassent pas de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Pour une à l'arrière, ton message a été reçu. Pas à mon niveau. J'ai rajouté qu'il y a un profil SNF, qui a un profil, ça va pas être très cool. Il s'est pendu en fin novembre, il a été en réa, puis à Garches, puis LPHSI, puis LPSNF. Constance Lécuyer, psychiatre. Pour sa rééducation, anoxie cérébrale, donc il est quand même un petit peu frontal. Mais bon, là, il a des troubles du comportement majorés depuis 3-4 jours. Il cherche tout ce qu'il peut pour s'étrangler, il a mort d'une soignante. Et on sait pourquoi il s'est pendu à la base? Il était suivi par Karine Jean, je vais regarder un petit peu en détail, mais c'est déjà une personnalité genre border, scarification, ambition. Alors, j'ai une demande. Docteur André Lieu, en D398 à Mantes-la-Jolie. Alors, attends, c'est bon. Oh, merci. Première incarcération en 2018 où il a pris 6 mois et il rapporte que pendant cette incarcération, il se serait fait violer tous les soirs par son co-détenu. Il est sorti, il a été réincarcéré pour récidive de conduite sans permis depuis novembre 2020. Il a été fin de peine en juillet 2021. Vécu traumatique de la détention, il a été adressé en 398 pour idées suicidaires, menaces de passage à l'acte. Il n'y a pas eu de tentative de suicide, il n'a pas d'antécédent psy avant la détention, il a 25 ans. Il va mieux depuis qu'il est hospitalisé, mais évidemment, le retour en détention, c'est compliqué. Ça paraît compliqué. Voilà. Donc, il va la 2. Après, c'est son urgence, hein, mais ouais, la 2. Il a vu le JLD, il a réglé ses problèmes de dents. Ouais. Et enfin, qui nous revient. Il n'y a plus de place. c'est vrai qu'il n'y a plus de place sur le tableau. Je suis très centrée sur la religion. Ah, c'est bien qu'il est arrivé. Une autre. Et elle arrive, elle arrive. On l'a retiré les lunettes, quoi. Oui. Le ouais, les lunettes, c'est bon. Du coup. C'est bon. Ça sera du grand. Si vous voulez le mettre sur rotation. C'est vous qui décidez. Il y a un cerveau. On change où? On change ici, on change là-bas. C'est mieux changer dans la chambre. Là, on va vous mettre une note. On va vous l'emmener parce que ça va nous casser la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Vous avez le menu? C'est bon? Les notes. Allonge-toi, allonge-toi, allonge-toi. Allonge-toi. Tu l'as. Écoutez, il va falloir vous calmer, monsieur. Là, on change de chambre. C'est juste une question de temps. Non, c'est pour les missions. C'est une barbarie de responsabiliser les malades mentaux et effectivement, depuis l'évolution du code pénal, l'abolition du discernement chute, enfin les mesures de non-lieu suite à une évolution du discernement chute. Magali Baudon-Bruzel, je pense que c'est une psychiatre. Une incompréhension d'abord du sens de la loi. C'est une misère qui est faite aux patients parce que on voit bien en détention ces patients-là qui sont condamnés. Alors, comme ce sont des malades, les faits sont souvent étranges, c'est-à-dire horribles. Hein, des actes graves étranges, c'est souvent des actes graves horribles, puisqu'ils sont étranges dans l'horreur. Et donc, ils sont souvent lourdement condamnés. Les jurés se disent, non seulement c'est un criminel qui fait des choses terribles, mais en plus il est fou. J'ai bien compris quand même au débat que c'est quelqu'un qui est allé à l'hôpital psychiatrique, qui est suivi, qui a été hospitalisé, réhospitalisé, etc. Et donc ils ont des longues peines, très longues peines. Et donc ils se retrouvent avec leurs 20 ans de réclusion criminelle à tourner en détention. Voilà. Et quel sens alors du coup? Aucun. Enfin, moi je pense qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un malheur quoi. C'est un malheur pour ces personnes. Est-ce que la prison est un lieu où on peut mettre des personnes qui présentent des handicaps psychiques majeurs, des maladies mentales majeures? Est-ce que d'un autre côté, une personne qui présente une maladie mentale ne peut pas commettre non plus d'infractions et doit toujours être considérée comme irresponsable des faits? C'est l'objectif de l'expert et pas de l'UHSA pour le coup. Les constatations depuis longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de malades mentaux ou de problématiques psychiatriques, psychiques au sens large en détention. Près de 60% de psychopathologies en détention au sens large, que ça soit des troubles de la personnalité, que ça soit des fragilités psychiques avec des états réactionnels, dépressifs, etc., que ça soit d'authentiques maladies psychotiques. Il y a une réalité, c'est que la prison ne réfléchit pas à savoir quel est leur état mental. Elle réfléchit à ce que la justice réfléchit, à savoir est-ce qu'ils ont commis une infraction et est-ce qu'ils doivent être incarcérés. Ce à quoi nous devons faire attention, c'est est-ce que la personne est responsable des faits qu'il a commis? probablement le recours aux experts n'est pas suffisant, notamment dans les procédures correctionnelles, où le plus souvent, la rapidité de la justice, les comparutions immédiates, etc., ne permettent pas de donner une coloration psychique de l'infraction commise et éventuellement d'éviter la prison à des personnes qui manifestement sont malades et dont manifestement l'infraction est en lien direct et certain avec leur maladie. On vient en prison avec sa fragilité. Clairement, la prison ne crée pas de maladie mentale. Éventuellement, les conditions de vie carcérale sont, chez les personnes fragiles, sont de nature à provoquer des symptômes psychiques, à décompenser des maladies mentales préexistantes. Pour autant, l'incarcération ne crée pas une maladie mentale là où elle n'aurait pas été s'il n'y avait pas eu incarcération. ...25% de malades graves en prison. Si c'est exact, ce chiffre, ça veut dire que 16 à 17, 18 000 détenus souffrent de maladies graves et ne devraient pas, par conséquent, être en prison, mais être soignés en hôpital psychiatrique. Jean-Marie Delarue, moi, j'ai demandé, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais c'est une mesure qui reste encore à venir. J'avais proposé cette chose très simple, tout condamné à une peine de détention soit vu avant d'effectuer sa peine par un psychiatre et par des médecins peut-être aussi pour savoir s'il est en état de supporter, compte tenu de ce qu'on sait des conditions matérielles de la prison, sa peine. Et par conséquent, l'idée c'était qu'il faudrait éventuellement soigner avant d'effectuer sa peine. Un quart des détenus ne devrait pas être en prison, conduit à l'idée que, au fond, notre société admet que on soigne des gens pour moins cher qu'il le serait en hôpital psychiatrique et qu'on se débarrasse à bon compte comme ça d'une partie des malades mentaux d'origine populaire, puisqu'on sait que la prison est composée massivement de gens de catégorie populaire. Donc tout ça met très très mal à l'aise. Une journée d'hôpital psychiatrique doit, je pense, être supérieure à 800-900 euros par jour, je suppose, sous réserve de vérification. En prison, on est à 8-9 mois moins cher. Par conséquent, le calcul est vite fait. En tant que contrôleur général de privation de liberté, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ces malades mentaux en prison ? Il faudrait les faire sortir. On a, dans la lignée de la découverte des thérapeutiques qui ont permis de vider les hôpitaux psychiatriques dans les années 60, on a donc diminué très fortement le nombre de lits psychiatriques. Et aujourd'hui, on est un peu à la limite, d'ailleurs, du trop-plein dans les hôpitaux psychiatriques, parce que le nombre des lits est limité. Cet après-midi, j'ai des consultes et ouais, sinon j'annulerai mes consultes. Je vais voir. Bon, vous avez l'air très fatigué. Ouais. Mais vous avez l'air plus fatigué que quand je vous ai vu en début de semaine. Non, pas du tout. En début de semaine, ça allait mieux pour moi. Ouais. Là, c'est vrai, comme vous avez dit, là, je suis plus fatigué. D'accord. Je continue à baisser, hein. Bon, on dirait pas trop. Bah ouais, je sais. Je baisse au fur et à mesure. Mmh. Et vous ressentez pas forcément les effets tout de suite. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, progressivement, la fatigue, elle va s'en aller. Ok. D'accord. Mais sinon, avec les traitements que vous me passez, Ils m'ont fort aidé mm-hmm. à moi-même, pour moi-même, mentalement. Ça m'aide à réfléchir bien. Et J'entendais des voix. Mmh. Mais ces voix-là, je les entends plus maintenant. Mmh. Grâce à vos traitements. Mmh. Grâce à vos traitements, je les entends plus. Ça avait démarré quand ces voix-là, monsieur? Ouais, avec été en détention déjà. Ouais, c'est en détention déjà. Et avant la détention, il y avait déjà eu? J'aime faire attention. D'accord. C'est pas ce qu'on remarque dehors, ça. Ouais. C'est plutôt ce qu'on remarque quand on est enfermé, ça. C'est possible. Peut-être que dehors, vous arriviez à les mettre un petit peu de côté, je sais pas. Ouais, peut-être. Possible. Ça va être important maintenant que justement ça va mieux, qu'on puisse essayer de retracer un petit peu les choses et de voir quand ça a commencé à aller un petit peu moins bien. Mmh. Et ce qui a amené à votre hospitalisation là maintenant. Ce qui a amené à mon hospitalisation, c'est un jour où j'étais incarcéré. J'ai pas compris pourquoi on m'a dit la SMP à moi. Mm-hmm. Et ça veut dire que j'ai eu un coup de bouffée délirant. Mm-hmm. Et j'ai commencé à crier dans mon narcil. Je me sentais mal. Mm-hmm. Et j'ai eu de la peine. Vous avez eu de la peine? Oui, j'ai eu de la peine un peu. Mm-hmm. Maintenant, ça va mieux maintenant grâce à votre traitement. Là, les prochaines étapes. Pour l'instant, vous êtes encore à l'unité 1. On continue à baisser les traitements, que vous soyez moins fatigué, qu'on voit comment ça se passe. Et puis dès que ce sera possible, on vous fera monter à l'unité 2. Donc, vous avez encore un peu de temps à faire avec nous, hein, avant le retour en détention. Hein. Un petit combien, un petit un mois. Difficile à dire, mais je pense que c'est un mois, c'est un minimum. Hein. C'est un minimum? Ouais. Ok. Comment elle s'appelle, votre maladie? Non, je sais pas, de ce que m'a dit le médecin, je suis schizoaffectif. Schizoaffectif. Mmh. Ouais, et qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est possible, si le médecin l'a dit. Si le médecin il l'a dit, ouais. D'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire soit trop près, soit trop loin. Soit trop près, soit trop loin, ouais. La population des personnes détenues, elle est surreprésentée en fragilité mentale. Statistiquement, on voit qu'elle est plus fragile qu'une autre. On se suicide 10 fois plus. Je ne parle pas de tentative de suicide, je parle de suicide en détention qu'en population générale. On pense qu'il y a 5 à 6 fois plus de schizophrénie qu'en population générale. La population générale, la schizophrénie, c'est 1 sur 100. C'est les chiffres mondiaux. Donc en détention, c'est 5 à 6 fois plus. Cette population aussi, comme nous, a géré des stress. Leur vie est plus stressante en détention, dans la mesure où l'affaire judiciaire est un facteur de stress. Le fait de pas pouvoir bien gérer ce qu'on appelle la mauvaise nouvelle en détention, par exemple, il y a un décès, la personne détenue n'a pas eu l'autorisation d'aller à l'enterrement. Il y a aussi le stress dû à l'affaire judiciaire. Par exemple, pour certains sujets, notamment les affaires intrafamiliales, les meurtres intrafamiliaux, par exemple, de conjoints ou d'enfants, il y a des moments très difficiles, comme la reconstitution, le procès. Voilà. C'est une population qui est plus fragile, donc qui est plus vulnérable à la question du stress, à gérer ce que la vie nous amène, qui est parfois difficile à gérer. Voilà. Donc on a besoin de s'en occuper, et donc ces sujets-là viennent quand on n'arrive plus à les soigner sur place ou qu'ils refusent les soins, qu'il faut à ce moment-là les hospitaliser sous contrainte si leur trouble rend impossible leur consentement. On dit pas qu'il est guéri, on dit qu'il a une gorge. Non, mais je pense qu'on va même mettre la... Ouais, mais je pense qu'en fait, le soignant ne va pas suffire. Hein. Mmh, voilà, ça c'est plus. Donc, ECG ce week-end, NFS lundi, introduction COSA, et puis moi j'ai fini. En plus, je pense que c'est le risque verbal qui fait mal. Ouais. Vous avez vu le médecin? Non. C'est bon? Protection. Fatigué encore, hein? Pacôme, infirmier. Merci. Vous avez vu le docteur Lerbos, là ? Oui. Une épreuve de cœur, on vous fait ça. Merci. Je prends ça en premier. Vous voulez un peu de sirop Oui, un peu. Merci. Je vais mettre du sirop. Merci, c'est gentil. C'était quand la dernière fois que vous avez parlé de ça ? C'était hier. Je vous donne que ça ou je vous donne. Si je peux en avoir un deuxième comme ça. Un deuxième, non. Je vous donne du falaké. Ouais, du falaké. Je vais prendre après ça. Merci. C'est quoi votre prénom ? Mon prénom d'artiste ? Ah bah oui. C'est Melkus. Melkus. M-E-L-K-U-S. On m'a nommé comme ça quand j'étais petit. Parce que Melka, Kamel, Melka, Melkus. C'est comme Karim, Rimka, Rimkus. Et vous venez d'où, vous ? Je viens de Beson. De Beson ? De Beson, dans le Val d'Oise. À côté d'Argenteuil et Colombes. Et vous êtes jeune, non ? Ouais, j'ai 27 ans. J'ai écrit une chanson déjà ici. Qui raconte quoi ? Qui raconte... C'est en parlant, c'est à bout de nerfs, à cran, ils veulent faire les grands, faut les quechots, sort les meurs déjà très tôt, l'école buissonnière dans le ghetto, si tu marches avec moi, t'es mon poteau, jusqu'à la muerte, on n'a pas la même science, ni la même conscience, entre une chose qui nous distend et sa distance, entre ce que je pense et ce que tu ressens, entre ce que je ressens et ce que tu appréhendes, est-ce que tu resterais avec moi si j'étais un char clos, est-ce que tu marcherais avec moi si je sortais un lambeau, parfumé à la haine. Profiter de la daronne, il n'y en a qu'une. Si elle accepte, je lui filerai toutes mes thunes. Et ça continue, mais... Ça parle un peu de mon vécu, à peu près. Et de votre maman ? Et de ma mère, ouais, parce que je ne l'ai pas connue. Et vous êtes là depuis combien de temps ? Je suis là depuis à peu près 3 mois environ. Et vous continuez à chanter un peu ? Je chantais à l'unité 1. Mais pas l'unité 2. Beaucoup, elle, parce qu'à l'unité 2, on est plus posé, c'est le fait que. Voilà. À l'unité 1, vous chantiez plus que maintenant ? Ce qui rend l'exercice en UHSA bien différent de l'exercice ailleurs, c'est quand on est hospitalisé dans un service de psychiatrie classique de secteur. Le psychiatre, les soignants savent qu'il renvoie la sortie de l'hôpital, c'est retourner à domicile. Là, la sortie de l'hôpital, c'est retourner en détention. Et souvent, cette détention, c'est le lieu qui a participé à l'éclosion de leurs symptômes, parce qu'ils sont fragiles, parce que la détention n'est pas apte à s'adapter au particularisme de tout un chacun, et que cette fragilité en détention est mal vécue. Et donc, l'objectif, c'est aussi de travailler avec cette réalité du retour en détention à l'issue des soins psychiatriques à l'hôpital et de tout faire pour que ça puisse bien se passer. Alors, on les accompagne, notamment avec un traitement, et on essaye de les accompagner par le biais de soins, typiquement des soins de groupe, de reconnaissance de la maladie et d'éducation thérapeutique, de manière à favoriser justement ce lien aux soins qui puissent perdurer avec le retour en détention. La grande difficulté, c'est que malheureusement, les avancées, même s'il y a eu énormément d'avancées en termes de pharmaceutiques pour les maladies mentales, les médicaments existants ont de nombreux effets secondaires. Et ces effets secondaires sont mal vécus par les patients, de manière générale, mais notamment du fait de la détention. C'est-à-dire qu'un patient qui a comme effet secondaire de la fatigue, ce qu'on appelle de la sédation du fait du traitement, quand il va retourner en détention, il va mal vivre cette sédation parce qu'il va être stigmatisé par les autres détenus qui vont reconnaître en lui quelqu'un qui cachetonne, qui prend des médicaments, qui est suivi par la psychiatrie. Et souvent, les patients nous disent « en détention, je dois pouvoir me protéger », c'est-à-dire répondre aux agressions. Et si je suis fatigué, je ne peux pas répondre aux agressions. Et donc, il y a cette difficulté aussi, ce travail nécessaire à faire sur le médicament est nécessaire, mais les effets secondaires sont souvent mal vécus. Je pense que la prison est une vraie souffrance pour la quasi-totalité des gens, même ceux qui se font un peu les bravaches. Hein. C'est une vraie souffrance. Et la plupart de ceux que j'ai vus après sont ou bien révoltés, ont la haine, comme ils disent, quand ils sont jeunes, ou bien profondément déprimés, meurtris, abîmés pour le restant de leur jour. Même pour des gens qui y restent très très peu. Et donc la question se pose de savoir si la prison ne punit pas même davantage qu'elle le voudrait. Alors est-ce que maintenant elle rend plus fragiles les gens qui y sont entrés? Vraisemblablement oui, mais je ne peux pas l'attester par un constat scientifique rigoureux. Moi, ce que je sais, c'est que elle fait souffrir et cette souffrance marque durablement après ceux qui en sortent. Il faudrait que tu dises quand tu seras plus grand, c'est génial. Ouais. C'est l'histoire d'un berger qui part à la recherche d'un trésor. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est spirituel. Voilà. Et toi, tu lis quoi en ce moment? Est-ce que tu lis en ce moment? De Naruto? D'accord, ok, chérie. On l'a racheté? Depuis 2000-2010, il y avait une réflexion sur que proposer aux personnes détenues qui présentent des troubles psychiatriques et qui sont hospitalisées en psychiatrie. Les réflexions étaient, on les accueille au titre de l'article des 398 du Code de procédure pénale en hôpital psychiatrique, qui veut dire que lorsqu'une personne détenue présente des troubles mentaux qui sont incompatibles avec la détention, il doit sortir de la détention et être hospitalisé en psychiatrie. Mais l'accueil n'était pas satisfaisant. D'abord, la garde était dévolue au directeur de l'établissement psychiatrique. Et donc, le directeur est responsable de la sécurité et de la garde de ce patient. Ça voulait dire que les équipes étaient inquiètes pour plusieurs raisons. D'abord, peur de l'évasion, peur des actes de type délinquentiel. On peut avoir après tout quelqu'un de très malade et puis quand il va mieux, faire une prise d'otage. Hein. Donc il y avait des mises en chambre d'isolement thérapeutique, puisqu'un isolement c'est thérapeutique, mais pour des raisons pas thérapeutiques. Le contrôleur général des lieux privatifs de liberté s'est élevé là-dessus. Bon. Et dernier point, l'hospitalisation était systématiquement sous contrainte. Donc autrement dit, une personne détenue ne pouvait pas demander librement son hospitalisation en psychiatrie comme toutes les autres personnes n'étant pas détenues sur le sol français. Donc à partir de là, il y a une réflexion sur faire des hôpitaux psychiatriques dédiés aux personnes détenues, donc sécurisés. Et sécurisés par le personnel pénitentiaire, mais comment et dans quelle mesure? Donc l'UHSA a été créé comme ça, l'idée étant donc que ça soit un hôpital et dans un site hospitalier pour que les patients détenus puissent profiter de l'ensemble des prestations de l'hôpital, par exemple le linge, la cuisine, ici il y a des services de spécialité avec des radios, un dentiste, etc. Donc ils peuvent profiter de tout ce qu'un hôpital peut offrir. Et puis des unités de soins dans lesquelles il n'y a que des soignants, le personnel pénitentiaire intervenant pour leur mission, mission de la pénitentiaire, sécurisation des biens et des personnes. Donc ils viennent sur demande des soignants, s'il y a des problèmes notamment de sécurité, par exemple dans le cas de problèmes de comportement d'un patient, à ce moment-là, c'est le travail de la pénitentiaire de venir sécuriser. Le blanc calme, tandis que le bleu, ça... Voilà, ça... Le blanc des blouses des c'est soignants c'est et ça. Le bleu des... c'est ça, du corps médical. Et le bleu, c'est nous, la pénitentiaire. Voilà. C'est la force. C'est-à-dire qu'en détention, il n'y a plus ce rapport de force. Ils ont plus... Ils ne sont pas débrouillés. Ils ne sont pas débrouillés. Non, mais voilà, c'est ça. C'est l'image qu'ils ont. C'est-à-dire que même si on n'est pas... Voilà, ils ont cette image du bleu tout le temps. Voilà, ils ont cette image Voilà, on porte le bleu, donc on est systématiquement dans un laboratoire. Alors que pas, bien sûr, c'est le médical qui gère tout. Qui gère les patients, quoi. Donc on n'a pas forcément de contact avec eux, hormis si c'est pour les récupérer en établissement et les ramener ici, ou même lorsqu'on fait, lorsqu'ils ont des parloirs, lorsqu'ils ont des sorties ergo, des contrôles de sécurité. Sauf ce matin, par exemple, quand un patient est en crise. Sauf ce matin, lorsqu'un patient est en crise et que le corps médical nous appelle, mais c'est la plupart du temps, on n'a pas d'intervention à proprement dite dessus. Enfin, vu que lorsqu'il voit l'uniforme, les tenues par cours, etc., ça les calme et ça apaise les tensions. Après, malheureusement, dans certains cas, on utilise la force strictement nécessaire afin de les maîtriser. Mais il faut dire aussi que le contexte n'est pas pareil. Là, on est dans un hôpital et tandis qu'après, on est dans une prison. Et alors, le fait de dire prison sous barreau quand même. Oui, c'est un fait, mais ça reste un hôpital. Ça reste un hôpital. Ils savent qu'ils sont venus recevoir des soins. Tandis que quand ils entendent prison, c'est déjà l'a priori, c'est déjà une mentalité. C'est-à-dire que ces gens-là arrivent en détention en se disant je suis en prison. Donc tout de suite, ils voient le côté fermé, le côté il faudra se battre pour vivre, alors que c'est pas du tout ça. Alors que c'est pas du tout ça. Voilà. Moi, je dis que c'est le contexte. C'est le contexte. C'est-à-dire qu'en prison, quand on arrive en prison, même nous, en tant que surveillants, on a ce qu'on appelle le choc carcéral. Ça, c'est certains démissionnent, c'est pas pour rien. Hein. Le bruit des clés, la façon dont ça se referme derrière, c'est quelque chose. Ça fait quelque chose. Après, j'ai plus en tête les jours, mais quasiment tous les jours. Là, du coup, nous, on arrive derrière la grande porte. Unité 3, elle est ici. Unité 2, elle est là. Dorothée Irles, cadre de santé. Par contre, unité 3, qui est l'unité de réhabilitation, réadaptation, on va vers l'autonomie. Vous verrez, c'est différent parce qu'il y a toujours le côté jour-nuit, mais le côté jour est beaucoup plus grand parce qu'il fait tout le service là. T'as du quoi ? Alors, bon, c'est vrai qu'ici... les patients sont quand même plus stabilisés, donc ils ne ferment pas cette porte-là à clé. Voilà, c'est quand même un peu plus souple. Sur l'unité 1, la porte est vraiment fermée à clé. Enfin, les portes sont fermées à clé. Alors, il y a un peu plus de matériel que dans les chambres du rez-de-chaussée, qui sont des chambres vraiment d'accueil pour la crise et l'urgence, où il y a uniquement le lit scellé, et même les placards sont à l'extérieur. Dans les chambres ici, on a rajouté des petites tables, la chaise et le placard du patient qui est à l'intérieur avec ses effets personnels. Donc on réintègre les objets Les objets de toilette, le pactage entre guillemets, voilà les affaires personnelles. La personne récupère ses affaires personnelles, ses effets personnels. Parce que la personne est un peu plus stabilisée. Oui, parce qu'elle est stabilisée. Donc pour intégrer cette unité, il faut quand même... qui est moins de troubles du comportement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais en tout cas, que les troubles se soient amendés, que la personne accepte de prendre son traitement, même si c'est de manière passive, et qu'il n'y ait plus quand même de fait de violence. On sait qu'en psychiatrie, c'est pas comme en soins somatiques, hein, on n'est pas J1J2J3, et puis au bout de 15 jours, on enlève les fils et on s'en va. Ça ne se passe pas comme ça, donc il faut pouvoir prendre ce temps-là. Donc on prend ce temps-là nécessaire. Alors effectivement, après vous avez vu, on a une liste d'attente. Donc on essaie quand même d'absorber un maximum de patients, bien évidemment. Mais ils attendent pour rentrer en unité 1. Voilà. Ok. À toutes. Non, c'est bon, ça y est. C'est réglé. C'est monsieur qui est rentré il n'y a pas longtemps. Juste pour une frustration de cigarette, voilà. On va pouvoir le décontentionner cet après-midi, je pense, mais... Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais, c'était... Voilà. Un vendredi matin, comme on les aime. À toutes. Salut. Constance Lécuyer. Finalement, la contention, c'est... ça peut paraître un peu d'un autre âge peut-être, mais c'est une mesure de protection, c'est une prescription médicale. Donc finalement, on essaye aussi d'expliquer que c'est tout sauf une punition. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour punir, on est là pour... là, la décision, ça a été une décision pour le protéger, pour qu'il ne se mette pas en danger, et pour qu'il s'apaise aussi. Parce que ce qu'il a pu dire, là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est que... oui, il y a des moments où ça me dépasse, je n'arrive pas à gérer. Donc finalement, c'est un moment où on gère pour lui, parce que ça le déborde trop. Et dès qu'on peut, on lève. Et je pense que cet après-midi, on pourra le décontentionner. On en revient toujours à cette question de la souffrance, en fait. C'est... Il y en a beaucoup. Donc voilà, mais c'est... Votre but en tant que psychiatre à l'UHSA, c'est quoi ? C'est de les accompagner vers un mieux, mais un mieux... Pouvoir parler de l'acte ? Je pense qu'en premier lieu, c'est supporter la maladie. Après, si on peut faire un travail, s'il a lieu d'être, hein, parce que pas toujours, mais c'est évidemment, si on peut faire, et parfois on peut pas s'en passer, un travail sur l'acte ou la répétition des choses, parce que parfois c'est inhérent aussi aux symptômes, hein, enfin, c'est intriqué, donc on peut pas se passer de ce travail-là, mais je pense que le premier objectif, c'est l'équilibre, en fait, enfin, c'est un équilibre acceptable de leur pathologie, et après de supporter un retour en détention si c'est ça qui se profile. Et parce que c'est pas évident pour eux non plus, hein. C'est un hôpital, il y a des barreaux aux fenêtres, il y a les surveillants qui rentrent quand il y a besoin. En tenue de Robocop. De leur redire non, c'est... c'est un hôpital, on parle pas de cellule, on parle de chambre, alors c'est peut-être joué sur les mots, hein, mais en tout cas, en même temps, c'est un hôpital. C'est en premier lieu un lieu de soins. Moi, ce que tu fais, c'est pas exprès. Pour ça y est, pour oublier qu'est-ce qui se passe, ça y est, pour oublier beaucoup de choses. Mais tu fais pas exprès. Tu fais pas exprès. C'est ça le problème, tu fais pas exprès. C'est ça, tu fais pas exprès. C'est pour quelque chose, tu fais pas exprès. Rose, c'est la rose qui décide. C'est la rose qui décide. En prison sur ordonnance. Avec David Twitou, Magali Baudon-Bruzel, Dorothée Irles, Constance Lécuyer, Docteur Urea, Docteur Labrou, Coralie Coffin, Yannick, Sherazade, Pacôme, Laïla, Melcus, Jean-Marie Delarue, l'équipe soignante et les patients de l'UHSA de Villejuif. Merci à Monsieur Manigean, merci à l'administration pénitentiaire et au groupe hospitalier Paul Guiraud. Lecture des textes Aurélia Petit. Merci à Marianne Bowie. Merci à Laurent Benaïm. Merci à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son Benjamin Thuot, Laurent Macchietti, Jean-André Giannichini. Mixage Bernard Laniel, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire.